Italie, Roséo par Grasset d'Orsay. Sous un luxe d'emprunt importé par des étrangers, Naples est la ville la plus misérable de l'Europe, car ces étrangers ont tout fait renchérir, et le Napolitain, qui vivait jadis de presque rien parce que tel était le prix de toute chose, ne sait plus aujourd'hui de quoi il pourra vivre. Le travail manque et le fisc absorbe le reste. Aussi n'y a-t-il qu'une seule industrie réellement florissante dans cette ville du soleil, celle de la mendicité. Au milieu de cette nature exubérante de richesse et de splendeur, on n'entend qu'une monotone et sinistre ritournelle. Musio di fame. C'est une belle fille pieds nus qui poursuit le passant en lui offrant des zolfanelle, allumettes, car cette misère noire n'a pas encore altéré la noble race de ces jolies mendiantes. Naples en regorge. Elles n'en sont que plus affligeantes, et de toutes ces solliciteuses déguenillées, la seule dont le babil ne vous attriste pas est la Fioraggia. La Fioraggia, si célébrée par nos pères, est aujourd'hui dans toute l'Italie un type en pleine décadence. À Florence, il n'en reste plus qu'une, toujours la même. Il y a juste un quart de siècle que je l'ai vue pour la première fois avec son légendaire chapeau de paille d'Italie. C'était déjà une matrone. Aujourd'hui, c'est une beauté préhistorique. La Fioraggia napolitaine est au contraire une fillette toute jeune, attifée du moins mal qu'elle peut à la moderne. Entend les abords du Vermouth di Torino, des théâtres populaires qui s'abritent à l'ombre du château de la reine Jeanne et des Bottiglieri et du quai. La beauté ne lui servirait de rien, mais il faut qu'elle soit drôle, car elle n'arrache une obole aux passants qu'avec un sourire, et cette obole est proportionnée à l'originalité de son petit boniment. Elle s'adresse de préférence à un officier, un marin ou un étranger, et ne le lâche pas qu'elle lui ait colloqué un vilain bouquet de fleurs des plus communes. Si le passant s'est montré généreux, elle lui baise respectueusement la main. À minuit, les Fioraggi se réunissent toutes sur la place du Municipe et rentrent ensemble dans les hauts quartiers où leurs parents cultivent un petit jardin dont elles vendent les fleurs. À 18 ans au plus tard, elles abandonnent ce métier pour se faire couturières. Toutes sont fiancées à des marins et sont généralement d'honnêtes filles, sachant lire et écrire. C'est l'aristocratie de la mendicité parthénopéenne. Il y a 2 ans de cela, l'une des mieux achalandées de ces petites industrielles napolitaines se nommait Concettina. C'était une fillette de 12 ans aux cheveux blonds, aux yeux bleus et au teint pâle, avec quelques grains de petite vérole. Sa taille un peu ramassée n'avait rien d'agréable. Bref, au total, elle était plutôt laide que jolie. Mais elle avait le don de dérider les passants, de sorte que pour une Fioraggia, elle faisait assez bien ses affaires, et dans les bonnes journées, elle pouvait bien rapporter 1 franc 50 centimes à la maison. Malheureusement, sa mère, quoique très jeune encore, était infirme et veuve, veuve d'un marin comme les Napolitaines le sont presque toutes, qui était mort 2 ans auparavant de la fièvre jaune à Cuba. Tant que Sor Antonio avait vécu, Mona Geronima, sa femme, avait été considérée dans son quartier comme une richarde, car c'était un homme rangé qui gagnait 60 francs par mois et rapportait à sa ménagère, bon an mal an, 20 beaux napoléons à mettre de côté. Mona Geronima, se suffisant de son état de couturière, s'il avait vécu un peu plus longtemps, il eût pu lui acheter un petit fonds de fruiterie, et ils auraient vieilli heureux ensemble. Sa mort prématurée fut un coup de foudre pour la pauvre Geronima. Le chagrin qu'elle en eut lui fit prendre les fièvres, qui s'envenimèrent. toutes ses pauvres économies passèrent au pharmacien sans qu'elle en fût autrement soulagée. Et lorsqu'elle en fut réduite au misérable gain de la pauvre Concettina, malgré la frugalité de ces deux malheureuses, ce fut la misère noire. Aussi Geronima déclinait sans que rien pût désormais la relever, car la phtisie avait succédé aux fièvres, et lorsque la fillette partait le matin pour tirer quelques sous de la commisération des passants, elle l'embrassait sans espoir de la revoir. Pauvre Concettina, débitée toute la journée des Lazzi aux désœuvrés de la place du municipe, pendant que sa mère se mourait à la maison. Aussi rentrait-elle tous les soirs, le cœur bien gros, en se disant « Est-ce pour cette fois ?» Ce fut à la chute des premières feuilles. Une voisine charitable avait recouvert le visage de la morte d'un linceul troué et acheté une bougie pour éclairer le lit funèbre auprès duquel elle priait pour la défunte. Concettina prit sa place et la veilla pieusement jusqu'au jour. Des Beccini vinrent la chercher et la portèrent à l'église, où l'on dit rapidement quelques prières pour son âme, puis on alla la jeter dans la fosse des pauvres. Sa fille l'avait suivie toute seule. Ses compagnes n'avaient pas les moyens de sacrifier une demi-journée pour l'assister. Quand ce fut fini, l'idée ne lui vint même point de reprendre ses occupations journalières. À la maison, elle ne laissait rien qu'un misérable grabat. Machinalement, elle descendit jusqu'à la mer et prit la direction du Posilippe. Elle alla droit devant elle en suivant les quais jusqu'à ce qu'elle se sentît mourante d'inanition. Fort heureusement pour la pauvre Concettina, elle fut reconnue par un Anglais qui avait l'habitude de la faire jaser pour apprendre le napolitain. Il lui demanda pourquoi elle se trouvait si loin de la place du municipe et, après avoir entendu sa lamentable histoire, il lui donna un billet de 5 livres. Elle l'échangea pour acheter 2 sous de pain et continua à marcher devant elle. Quand la nuit tomba, elle était en pleine campagne et s'arrêta au premier hameau qu'elle rencontra pour demander un gîte. La porte à laquelle elle frappa était celle d'un petit pot d'air tenu par de braves gens qui cultivaient des oliviers et possédaient un pressoir à huile. Ils l'accueillirent avec bonté à cause de son air honnête et lui donnèrent un gros morceau de pain avec un verre de vin du Vésuve. Quand l'enfant se fut rafraîchi, Mona Petronia, une commère rondelette et haute en couleur, voulut savoir quel motif la poussait à errer ainsi à l'aventure, et lorsqu'elle lui eut raconté ses longues infortunes, elle voulut savoir si elle avait l'intention de retourner à Naples. L'enfant répondit qu'elle préférerait pour le moment se placer ailleurs. « Ça se trouve bien, » dit la femme du fattore. « Ricetta, une fille de ton âge, nous a quittés ce matin pour aller à Naples apprendre le métier de Sarta, couturière. Si tu veux son lit et sa place, ils sont vacants. Tu auras 1 lire par mois, la nourriture et le logement. »« Et qu'aurais-je à faire ?» demanda la fioraggia. « Balayer la maison et prendre soin de Roseo. »« Roseo, c'est votre bimbo, enfant ?»« Ce n'est pas le nôtre, mais c'est en effet un bimbo. » Concettina n'en demanda pas plus long, car elle était harassée de fatigue. On la mena à sa chambre, qui était un cabinet noir, avec une botte de paille sur le sol et une mauvaise couverture. Comme elle n'était pas mieux logée à Naples, dans un taudis infect, au fond d'un fondaco souterrain, celui-là ne lui parut pas trop repoussant. Et elle dormit jusqu'au matin du sommeil que donne la jeunesse avec une conscience pure. À l'aube, elle s'éveilla et fut sur pied en un instant. Mais Mona Geronima l'avait devancée. « Où est Roseo ?» lui demanda-t-elle. « Le voilà, il gratte à la porte. » En effet, l'on entendait un grognement des plus expressifs, bien qu'il n'eût rien de commun avec une voix enfantine. La femme du Fator est allée ouvrir, et un être à quatre pattes fit irruption dans la cuisine. C'était, sauf votre respect, mademoiselle, un jeune ami de Saint-Antoine, mais à un âge où les amis eux-mêmes de ce saint ne manquent pas d'une certaine grâce cocasse et folichonne. Roséo, d'ailleurs, était beaucoup plus proprement tenu qu'aucun bimbo du pays, qui ne se lave guère que lorsqu'il tombe à la mer. Car si les Napolitains négligent l'hygiène de leur progéniture, ils soignent celle de leur porc, n'ignorant nullement qu'elle est une des conditions de leur bonne santé et que par conséquent elle se traduit en bonne lyre sonnante. Roséo avait été acheté pour être engraissé avec les mares du pressoir à huile. Il était de belle espèce, blanc, avec une jolie peau d'un beau rose. « C'est là le bimbo ?» demanda Concettina. « N'est-il pas joli ?» répliqua Mona Petronia. « Graziosissimo !» s'écria la fillette en l'enlevant dans ses bras et en l'embrassant de tout cœur. Roséo était un bimbo parfaitement élevé, qui se laissa faire le plus gentiment du monde. Depuis ce jour, le jeune pachyderme et la fillette furent une inséparable paire d'amis. Concettina négligeait assez souvent sa toilette, mais celle du bimbo ne laissait jamais rien à désirer. Dès l'aube, elle le lavait à grande eau, puis ils allaient courir ensemble toute la journée sous les oliviers centenaires et se faisaient toute espèce de niches, car Roséo était d'un naturel à la fois fantasque et charmant. L'ouvrage n'était pas richement payé, mais après tout, il n'était pas dur. Et si la nourriture n'était ni bien saine ni bien abondante, la Fioraggia avait connu des jours plus mauvais et ne s'en plaignait point. De son côté, Mona Petronia n'était point une maîtresse exigeante ni grognonne. Quant au Fattore, il était toujours dehors. Le temps s'écoulait donc vite pour Concettina, bien plus vite encore pour Roséo. Il avait grandi et grossi dans des proportions énormes grâce aux bons soins de sa petite amie. La pauvre bête lui en restait toujours reconnaissante. Infortuné Roséo, c'était bien de lui que le grand Malherbe aurait dû écrire « Et rose, il a vécu ce que vivent les roses ». À la propre fête de son ami Saint-Antoine, pendant que Naples retentissait du vacarme des pétards et que des hommes déguisés en femmes dansaient dans les rues des tarentelles interminables, quatre sournois s'emparèrent de Roséo, le lièrent d'une façon barbare, l'entraînèrent au fond de la cuisine et l'étendirent sur une table. Puis l'un d'eux lui plongea un couteau dans le cou. Roséo se débattit et son petit œil rond semblait implorer le secours de son ami Concettina qui, glacé d'épouvante, assistait à cet assassinat collé contre la porte. Enfin, le pauvre Roséo cessa de râler. On l'ouvrit, on retira ses entrailles, on en fit des saucisses et des boudins, puis on le suspendit par grands quartiers à la muraille. Enfin, l'un des bourreaux tailla dans le filet de superbes grillades qu'il fit rôtir sur les charbons et dont il se régala avec ses compagnons. Elles exhalaient une odeur exquise. Le chef de ces malfaiteurs aperçut alors la fillette blottie dans l'embrasure de la porte. « Il est juste qu'elle en goûte, » dit-il à ses compagnons, « car elle l'avait bien soignée. » Sur ce, il mit une grosse grillade sur une belle tranche de pain blanc et la lui porta. L'enfant n'osa pas refuser, car cet homme couvert de sang lui faisait une peur horrible. Elle prit donc la grillade et la considéra avec un indicible dégoût. Elle n'avait pas mangé depuis la veille, mais sans rien dire, elle laissa couler à terre ce qui restait du pauvre Roséo et s'enfuit. Au dîner, elle était toute triste, si bien que Mona Petronia s'en aperçut, et, comme elle n'avait pas mauvais cœur, elle devina la cause de la mélancolie de la fillette. « Bah, dit-elle, Roséo était fait pour ça, et d'ailleurs, il n'était plus aimable. Je viens d'en acheter un autre qui est bien plus gentil. Merci, répondit résolument Concettina. J'aime mieux reprendre l'état de Fioraggia.